Il est venu un homme de fer, comme on n'en avait jamais vu. Nous l'avons traité comme un frère, on ne craint pas les inconnus. On l'a chauffé, lavé, nourri, et à ses pieds toutes nos richesses. Et nous avons pris son mépris pour un signe de sagesse. Nos enfants nageaient nus dans les bras de la rivière. Ils ont bien ri quand ils ont su que l'homme voulait prendre nos terres. Qui est propriétaire d'un rayon de lune, des reflets du soir sur la dune? À qui appartient l'air qui sculpte l'écume et jusqu'où voit l'œil de l'oiseau tonnerre? Ils ont semé le sang, le feu et le malheur jusqu'aux nuages. En brandissant leur pauvre Dieu, ils agitaient sur des images. Dans la laideur de leur prison, nos femmes sont des paysages qui nous font garder la raison ici où tout n'est que mirage. Nos enfants ne jouent plus dans les bras de la rivière, mais leur esprit plane au-dessus sur les ailes de l'oiseau tonnerre. Est propriétaire d'un rayon de lune, des reflets du soir sur la dune. À qui appartient l'air qui sculpte l'écume et jusqu'où voit l'œil de l'oiseau tonnerre? Qui est propriétaire d'un rayon de lune, des reflets du soir sur la dune? À qui appartient l'air qui sculpte l'écume et où va le vol de l'oiseau tonnerre? Qui est propriétaire d'un rayon de lune et reflet du soir sur la dune? À qui appartient l'air qui sculpte l'écume et où va le vol de l'oiseau tonnerre?